Salut Charline. Salut l'ami. Bah, salut Charline. Non, mais il y a personne. Bah, c'est la semaine de Noël. Bah, et alors? Mais ne manquez pas, moi je suis là. Ça s'est bien passé ta chronique ce matin? Oui, oui, Marc Fauvel remplace Patrick Cohen. Patrick Cohen est en vacances, mais rien ne va plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, Guillaume est censé revenir de Cogolin. Mais il reviendra jamais, c'est une mairie Front National. Ah oui, en plus il comptait interroger les habitants sur le marché. Il y a une chance sur deux qu'on nous demande une rançon. Ah, bah, et l'autre chance, c'est. Salut les amis. Oh, salut, oh, c'est Patrick Cyriste. Oh là là, mais c'est calme ici. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu fais là toi? Je remplace Daniel Morin. Daniel Morin est aussi en vacances. Voilà. Mais Fred, il faut que tu viennes faire des blagues avec nous parce qu'il n'y a plus personne. On est abandonné par nos équipes. Bah, oui. Et Guillaume? Bah, Guillaume est probablement décédé. Oui, il était enlevé par une milice Front National à Cogolin. Il a essayé sans doute de les convertir à l'ultra-gauche. Et paf, le botin sur la tête. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ouais, mais alors, vous allez faire une émission hommage? Probablement, on va diffuser toutes ces chroniques où il est de mauvaise foi. Alors, faudra faire une semaine hommage. Salut les amis. Oh, mais Guillaume, ils l'ont relâché. Bah, ouais, non, mais en fait, ça a été. Avec l'électeur Front National, on a trouvé un compromis. Attends, toi, t'as des points communs avec l'électeur FN? J'en ai un. Ouais. Ah, mais vous avez parlé de quoi? Bah, oui. Bah Marion Maréchal Le Pen, son physique. Oh, ah bah ouais. Non les gars, moi je vais prendre mes vacances moi aussi, je vais prévenir la direction. Ah non, mais la direction ici, oui, ils sont en vacances. Bon, OK, je reste, mais alors vous me promettez de ne faire aucune vanne sexiste jusqu'à Noël. OK, ça va. Okay. Alex. Allez, d'accord poulette. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui pousse l'actualité dans les orties et voici les trois informations qui vont le sentir passer jusqu'à 18h. Coup de frais sur la politique en Espagne. Deux partis issus de la société civile permettent à l'échiquier politique de changer de tête. Mais la droite traditionnelle est toujours en tête et la formation du gouvernement s'annonce très compliquée. La coexistence ne peut en effet se concevoir qu'entre gens du même monde. Elle peut également ne pas se concevoir du tout. Voilà qui renvoie la France à certains aspects poussiéreux. Comme l'Opéra de Paris peut-être, par exemple, que Benjamin Millepied veut rénover. Mais il le dit lui-même, il veut le rénover. Il veut ouvrir davantage l'institution et recruter donc. Tu accepterais de travailler peut-être assez loin parce que des fois il y a des opéras qui sont quand même à Miami. Non, ce que je préférerais c'est rester aux alentours de la Sarthe. Les Français continuent à s'intéresser même de loin à Miss France. Cette année encore, elle vient du Nord-Pas-de-Calais et comme de plus en plus de Miss, elle est diplômée et cette fois Bac plus 5. Ah, vous, vous êtes une femme Barbara Gourde. Ouais, c'est possible. Barbara Gourde, des femmes qu'on n'oublie pas. Et moi, je suis accompagnée de celui à qui ce matin j'ai dû dire non, non, non, même Bac plus 5, ça ne m'intéresse pas d'inviter Miss France. C'est Alex Vizorek. Quand même, je pensais qu'elle a des choses à dire. En tout cas, si c'est vous qui faites les blagues sexistes, j'ai plus grand-chose à faire dans cette émission. Autour de la table, une belle équipe aujourd'hui pour commencer cette semaine de Noël. À 17h20, sur sa page Wikipédia, il est désormais écrit après une filmographie longue comme le bras. Ouvrez les guillemets. Il participe également à l'émission de France Inter, Si tu écoutes, j'annule tout, où il tient des chroniques culturelles mêlant humour absurde et envolée lyrique. C'est bien lui, c'est Hippolyte Girardot. Bonjour. Oui, je suis désolé, votre carrière est foutue. De quoi on parle? J'ai écrit une lettre au Père Noël. Ah ben voilà, ces gens n'ont pas tort. À 17h30, le Survivor, il nous revient du sud de la France où il a essayé de prêcher la bonne parole. Oui. Et je suis inquiet, car la dernière fois qu'il était revenu de Lorraine, Florian Philippot finissait en tête du premier tour des régionales. Est-ce que vous avez été meilleur cette fois? On va voir ça Alex, bonjour. En tout cas, bonjour Charline. Effectivement, je me suis rendu à Cogolin, ville Front National, pour rencontrer les habitants qui adorent leur maire. Parce qu'il fait quoi? Plein de choses, mais il est bien. Il est bien, très très bien. Mais alors un exemple de choses bien? Il fait plein de choses. Ah oui, d'accord, j'avais compris, mais quoi? Je sais pas, je m'en fous. Et à 17h40, une période bien difficile s'annonce pour elle, car qui dit fête dit champagne, qui dit champagne dit excès, et qui dit excès dit bonjour Juliette Arnaud. De quoi allez-vous nous parler? Mais des champagnes, bien sûr. Mais voilà, ça tombe bien. Des champagnes. Non, mais j'ai pas. Oui, ça si, c'est le pays. On dit comme ça. C'est parfait. Allez. Le référent de la République qui préside cette émission est né sous Franco. Vous intégrez l'équipe nationale de gymnastique espagnole en 76, quand Nadia Comaneci obtient la note de 10 au JO de Montréal. Vous intégrez la fameuse école de danse de Martha Graham à New York en 81. C'est l'année de création de MTV. Et vous fêtez les 20 ans de votre compagnie et créez le fameux spectacle Robot en 2013, quand le mariage homo entre en vigueur en France. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Blanca Lee. Bienvenue. Waouh. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Somos encantados, on peut dire ça comme ça, on est enchantés. Estamos encantados. Estamos, je confonds toujours les deux, somos et estamos. Blancali est avec nous. Eh bien, vous dansez à partir de demain au Théâtre des Champs-Élysées, magnifique théâtre, Déesse et Démon. Ce sera jusqu'au 3 janvier 2016, donc pour les fêtes. Blancali et Maria Alexandrova, étoile du Bolchoï. Donc, quel mélange, l'espagnol avec cette teintée de flamenco et l'étoile du Bolchoï, ça doit faire un mélange explosif, on va en parler. Mais tiens, si on se penchait d'abord sur le thème que vous avez choisi, l'histoire des femmes dans la mythologie. Vous dites quand elles étaient l'expression de la force parce que les dieux n'étaient pas encore là. Donc il y a une forme de message, d'affirmation de la femme. J'ai lu aussi que vous disiez que toutes les directions des centres de danse sont occupées par des hommes. Et donc j'y vois un message parce que vous dites que c'est une régression du statut de la femme. Votre spectacle, une affirmation du statut de la femme ? C'est pas vraiment dans ce sens-là que je l'ai fait, mais c'est vrai que j'ai très envie en ce moment de faire un spectacle qui est très féminin, qui est très beau, qui représente deux femmes complètement différentes qui ont grandi dans des mondes complètement différents, qui se rencontrent et qui, à travers la danse, proposent un voyage et dans la mythologie, mais la mythologie la mythologie des femmes, pour quelque part aussi parler justement des femmes aujourd'hui et de cette éventuelle régression. Non, parce que c'est curieux quand même, et c'est vrai que j'ai parlé de ça l'autre jour, je disais c'est quand même incroyable qu'il y a un monde, que le monde de la danse, où on est 90% des femmes quand même, que tous les postes importants soient tenus par les hommes. C'est quand même hallucinant. Oui. Excuse me. Mais non, mais vous faites bien. Justement, dans les poulaillers, c'est rarement des poules qui dirigent. Qu'est-ce qu'on avait dit à Alex Vizorek sur les blagues sexistes? Allez, attention, Blancali, préparez-vous, mais je serai là pour vous défendre. Je sais qu'ils vont m'attaquer. Mais vous savez. Vous sortez mes couteaux. Alors, on vous connaissait aussi pour le fameux spectacle Robot, et là, on part dans la mythologie. Donc, il y a la volonté aussi d'un retour à quelque chose d'authentique, et de lointain, et d'originel, peut-être, cette envie-là. C'est que moi, à chaque fois, chaque spectacle doit être un aventure, un défi, quelque chose de complètement différent de ce que j'ai fait précédemment. Et là, c'est sûr qu'il n'y a rien de plus loin que passer de les robots à la mythologie. donc, j'adore ça. C'est la souplesse. Souplesse. Mais j'avais aussi envie, très envie de danser à nouveau. Et j'avais très envie de faire un spectacle qui est poétique, qui est magique, qui est merveilleux, qui est comme un voyage dans le passé et dans le présent. Mais où on est vraiment transporté dans un moment où je pense qu'on a besoin tous un petit peu des choses belles. Oui. Alors, vous dansez avec Maria Alexandrova, l'une des plus célèbres danseuses russes. L'école russe qui est... Comment est-ce qu'on pourrait définir l'école russe? C'est très... Soldados. C'est des soldats, soldados. Qu'est-ce qu'elle a de l'école russe que vous pourriez lui envier? Bon, déjà, elle est danseuse classique et je ne le suis pas. Mm-hmm. J'ai jamais fait la danse classique professionnellement. Je m'entraîne avec la danse classique, mais j'ai jamais été une danseuse classique. La technique est radicalement différente. Et la technique classique à le niveau des danseurs étoiles, mm-hmm, c'est quand même extrême. Et la perfection, c'est ce qu'on cherche tout le temps. Donc, c'est des danseurs qui sont très puissants, très formé, avec une technique très forte, et que pour un chorégraphe comme moi, c'est une merveille. C'est comme avoir la meilleure voiture, non? On peut lui faire tout ce qu'on veut? Presque. Et après, il faut aussi comprendre comment c'est sa manière de danser et s'adapter aussi à leur corps. Mais une danseuse comme ça, c'est vraiment une machine parfaite. Je peux lui demander de faire des choses incroyables, elle fait. Donc, c'est un plaisir. Mais après, ce que j'avais envie, c'était justement de montrer les contrastes aussi entre nous deux, autant que femmes, oui, mais aussi autant que danseuses. Et de la manière comment nos corps, en faisant les mêmes mouvements, peuvent être si différents aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est facile de diriger quand vous-même vous dansez? Parce que... Non, c'est pas facile. C'est difficile parce que c'est très stressant d'être à l'extérieur et à l'intérieur. Mais comme c'est quelque chose que j'ai fait depuis que j'avais 17 ans, quelque part, j'ai un peu l'habitude. Juliette Arnaud, vous aviez une question? Oui, vous parlez dans quelle langue? On ne sait pas. On n'a toujours pas trouvé une langue. Mais la langue la... du corps. Parce que non, la langue de la danse, c'est la langue française. Ouais, ouais. Donc, c'est en ça fait, le. C'est ça la danse contemporaine, en fait. Ils disent des trucs, ils font n'importe quoi. C'est ça. Elle est géniale. C'est génial. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'on est quatre dans les studios parce que j'ai des assistants qui travaillent avec nous. Pour, parce que quand je danse, il faut que quelqu'un me regarde pour me critiquer, me corriger et me maltraiter un peu. Mais c'est vous qui le payez. Alors, c'est gênant. Et alors, il y a une de mes assistants qui est espagnole, donc je parle espagnol avec elle. L'autre, elle est russe. Par hasard, parce qu'elle travaille avec moi et je me dis, c'est génial qu'elle soit là comme ça. Elle est russe. Oui. Russe. Lourdeur de cette personne. Écoutez pas, Blanc. Avec Maria, des fois, je lui parle en anglais, mais je ne comprends pas beaucoup. Donc, des fois, je lui parle en espagnol, elle ne comprend pas non plus. Elle me répond en russe, je ne comprends rien. Donc, des fois, mes assistantes interviennent en espagnol, en russe, en anglais et en français. Et à la fin, on ne sait pas de quoi on parle. Mais ce n'est pas grave parce qu'on se regarde et avec les mouvements, on comprend. Donc, à la fin, le langage qu'on a, c'est le langage de la danse. Elles n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Ces deux grandes danseuses, il y a Blanca Lee et Maria Alexandrova dans Déesse et Démon. C'est au Théâtre des Champs-Élysées, c'est à partir de demain et jusqu'au 3 janvier, donc des représentations exceptionnelles. Étoile du Bolchoï, Maria Alexandrova, et la touche flamenco de Blanca Lee, le contemporain, le classique. Oh, quel mélange, on vous le conseille sur France Inter. Alabama Shakes, Future People sur France Inter, en compagnie de Blanca Lee, que vous pourrez voir dès demain au Théâtre des Champs-Élysées dans Déesse et Démon, avec la danseuse étoile du Bolchoï, Maria Alexandrova, une création. Attention. Donc c'est une première. Donc on est en train d'essayer de détendre Blanc-Canet. Impossible de me détendre. Et on est une grosse équipe pour la détendre. Nous avons Hippolyte Girardot, nous avons Guillaume Meurice qui a été à Cogolin rencontrer des électeurs Front National, et nous avons Juliette Arnaud qui nous parlera livre espagnol. Et en attendant, Blanc-Canet, comme vous étiez à fond dans la préparation du spectacle, vous n'avez pas suivi toute l'information. Grâce à nous, vous allez être au fait de l'actualité tout de suite. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les antititres. Oui, nous ne parlerons pas du retour de Bernard Tapie, qui avait juré qu'il ne referait plus de politique. Oui, mais il a changé. Oui, en tout cas, il a changé d'avis. Oui, c'est. Et nous ne parlerons pas non plus de la découverte d'un engin factice à bord d'un vol Air France. Après vérification, il s'agissait d'un plateau repas tentant de se faire passer pour de la vraie nourriture. Et puis des brèves avec des vrais morceaux de Julien Lepers dedans. Et on commence par faire un petit tour chez nos voisins de RMC. Oui, ce matin sur RMC, il y avait débat entre auditeurs et pendant 5 bonnes minutes, ils se sont disputés les deux, ils n'étaient pas d'accord, se sont écharpés entre une dame qui avait un discours plus de gauche et un monsieur qui avait un discours plus de droite. Et écoutez le rebondissement. Mais qu'est-ce qu'on propose en attendant? Et un tapis? Parce que tapis, il va nous apporter quoi quand lui, le premier, a démantelé des sociétés, il a mis des gens au chômage? Mais j'en veux pas des gens comme ça. Et moi, madame, je vote Front National. Je suis pour des idées nouvelles. Vous voulez des idées nouvelles? Vous voulez que ça marche? Votez Front National. Mais monsieur, depuis l'âge de 18 ans, je vote pour le Front National. Alors encore une fois, on se retrouve. Et oui, sur RMC, pas de bol, 100% des auditeurs sur cet échantillon-là votent Front National. C'est aussi ça. C'est bien si c'est charpentreux, tranquille. Restons en politique. Oui, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est arrivé lundi à Moscou pour rencontrer son homologue russe. N'ayant pas précisé assez vite en quelle qualité Jean-Yves Le Drian était en visite, il a été accueilli par le représentant russe des Galets de Saint-Michel, croyant avoir affaire au président de la région Bretagne. Jacques Chirac sortira de l'hôpital cette semaine, il pourra donc passer Noël chez lui, auprès de Bernadette. Oui, il venait de confier à une infirmière, j'ai envie de passer Noël devant une tête de veau. Attentat à présent. Durant les attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam aurait été contrôlé 3 fois par la police avant de quitter la France. Voici en exclusivité l'enregistrement de l'un de ces contrôles. Contrôle de police papier, s'il vous plaît. Salah Abdeslam, vous habitez où? Molenbeek, en Belgique. Vous avez fumé du cannabis? Ouais, un peu, ouais. Vous avez bu de l'alcool? Ouais, un peu, ouais. Et cette grosse ceinture, là, c'est pas une ceinture d'explosifs, par hasard? Non, ça, c'est une gaine, en fait. J'ai mal aux lombaires, c'est pour ça. Bon, bah alors, circulez, nous, on cherche des terroristes. Ah non, ça, monsieur, moi, j'en ai jamais vu en vrai. Hein. Moi non plus, tu sais. Édifiant. Passons à ce transporteur d'art suisse. Yves Bouvier était soupçonné de recel en France pour une histoire de Picasso volé. Il vient d'être blanchi par la justice de la principauté du Liechtenstein. Un trafiquant d'art suisse blanchi au Liechtenstein est aussi crédible qu'un dealer mexicain blanchi par la justice colombienne. Passons à du plus léger. Oui, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Oui. Et selon une étude de l'IFOP, ce sont les Françaises qui seraient les dernières du classement concernant la fréquence de l'orgasme. Quand je pense que c'est la première année que j'habite à plein temps en France. À mon avis, c'est lié. Hein. Sans transition, c'est finalement Miss Nord-Pas-de-Calais qui a été élue Miss France. Oui, on avoue qu'on a eu peur qu'elle se désiste au second tour pour appeler à faire barrage. Télévision? Oui, ce samedi, Lara Fabian est venue sur France 2 rendre un hommage à un chanteur, auteur, compositeur, parolier en reprenant l'une de ses plus belles chansons. Écoutez comme c'est joli. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait. Il était en larmes, Patoche. C'est joli, non? C'est, oui. Je vous conseille les 3 minutes et demie, hein. C'est violent à la fin, mais on s'y habitue. Oui? Oui, non, j'ai une nouvelle idole. Je voulais vous dire que j'ai une nouvelle idole parce que j'ai même 2 nouvelles idoles parce qu'il y a un tatoueur et un tatoué qui sont rentrés dans le haut de mon ranking. Écoutez ce que le tatoueur a envie de faire. Salut à tous. C'est Louis Lacour, alias LP le Tatou. Il y a quelques semaines, tellement fan de Julien Lepers que j'ai tatoué son portrait sur le cul d'un super bon pote, Loris. Non, mais ils ont pas fait ça quand même. Eh ben si, oui, si là aussi je vous conseille la vidéo, il y a donc toute la fesse gauche qui est remplie du portrait de Julien Lepers. Et Julien, on ne l'avait plus entendu depuis l'annonce de son potentiel licenciement. Et quelle surprise, il est venu voir son portrait. Attention, on lui annonce que quelqu'un s'est fait tatouer sur le... Sur le bras, sur la cuisse, sur non, quoi? Non, Julien. Sur la fesse. Sur la fesse? Sur la fesse, Julien. Ah, là, ça, là. C'est beau. C'est du jamais vu. Alors là, yes. Je veux voir ça tout de suite. Et ben, vous savez quoi? Il l'a vu. Ah ouais, c'est fou. Oh là là là là là là là là là. Waouh. Ça, moi, j'en reviens pas. Et Maurice, C'est pour la vie. Voilà. Attends, c'est pour la vie, mon mec. On est ensemble pour la vie. On est mariés. Bah oui, bien sûr, on est mariés. Qu'est-ce que tu veux? Bah oui, tu m'as sur la fesse. Tu te rends compte? On peut pas faire plus fort. On peut pas faire plus fort, Charline Vanhoenacker. Vous êtes consternation. Donc si vous, chez vous, vous vous faites tatouer Charline Vanhoenacker sur la fesse, envoyez la photo, on la mettra sur Facebook. La France avance, Blancali. Les choses vont mieux, tout se passe bien. Blancali, que vous retrouvez dès demain au Théâtre des Champs-Élysées. Et tiens, si jamais il n'y avait plus de place, juste à côté, il y a Alexis Drake qui joue ce soir au studio des Champs-Élysées. Ah, c'est bien. Si vous vous ennuyez, même ce soir, après la répète. Blancali, on va aborder avec vous le premier sujet. On va profiter de votre présence pour parler un peu de l'Espagne. Est-ce que nous ne vivons pas un petit peu ces élections en Espagne, nous en France, par procuration? On ne les regarde pas avec gourmandise. Finalement, il s'y passe des choses beaucoup plus excitantes que chez nous. Oui, oui, Podemos et Ciudadanos sont deux formations politiques issues de mouvements citoyens qui rafraîchissent, paraît-il, l'échiquier politique et qui savent parler à la jeunesse. Il faut intéresser le jeune. N'oublions pas qu'il a 18 ans, il est plein d'une énergie débordante, bon, qui a besoin à la fois d'être canalisée mais libérée en même temps. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune? L'extrait du Péril jeune de Cédric Clapiche. Alors Blancali, vous êtes évidemment en France, en répétition, etc. Donc vous avez regardé peut-être ça d'un peu loin. Mais Podemos et Ciudadanos sont deux mouvements qui émergent depuis un petit moment. Donc vous regardez quand même la politique espagnole et ce qui se passe chez vous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a vraiment, on sent une excitation et un rafraîchissement de la politique en Espagne? Nous, on a cette impression-là depuis la France, où on a toujours les mêmes politiques et les mêmes partis au pouvoir, où les Français qui sont déçus se tournent finalement plus vers l'extrême droite. Et il y a une nouvelle offre en Espagne qui semble bien fonctionner, puisque bah, par exemple Podemos talonne, est aux fesses du Parti Socialiste Espagnol. Oui, bon, c'est le résultat aussi de la crise, des espoirs un peu de tous les gens qui ont marre d'une politique qui va pas, une situation très difficile, 50% des jeunes qui n'ont pas de travail. J'ai la moitié de mes copains qui sont partis vivre à l'étranger pour trouver du travail. Ça s'arrange pas et je pense que quelque part la déception en Espagne de la politique qu'on connaît, elle est telle que tout le monde essaie de trouver d'autres possibilités. Donc, ça a donné naissance à ces deux partis, Podemos et Ciudadanos, qui sont quelque part en train de prendre un petit peu la place parce que les gens se disent que peut-être qu'il y a autre chose qui pourrait arriver. Après, on ne sait pas. C'est des partis qui sont très, très neufs, pas encore très, très organisés. Donc, c'est difficile de savoir aussi où il peut amener la politique. Donc, vous avez aussi le sentiment de plonger un peu vers l'inconnu avec eux. Un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas encore très, très clair exactement leur politique, leur position, vu qu'ils n'ont jamais été non plus au pouvoir. Donc, Vous avez senti, quand vous étiez en Espagne, que ces gens-là arrivaient à parler mieux à une génération qui, ici, chez nous, se détourne de la politique? Oui, c'est sûr que oui, parce que déjà, toi, un politicien qui a les cheveux longs et qui utilise Twitter qui est un peu plus frais. Plus frais, c'est le mot. Et que tu parles autrement, mais oui, ça donne la sensation de gars, peut-être qu'il peut y avoir autre chose. Donc, pensez qu'Alain Juppé, a priori, non, c'est le problème capillaire. Ça donne un peu, je sais pas. C'est déjà une autre image, c'est plus pour les jeunes, ils se disent ça, peut-être que quelqu'un qui va nous comprendre. C'est... et enfin, alors, avec Juliette Arnoux, nous, on a un petit peu craqué aussi sur Pedro Sanchez, mais physiquement. Et quand nous, on parle de Marion Maréchal, vous levez les yeux au ciel. Chacun son tour, taisez-vous. On a le droit. Alors, aussi, Pedro Sanchez, comment ça se passe? Qui fait quoi? Je vous encourage à aller voir qui est Pedro Sanchez. C'est intéressant. Ah, bah ça n'est du PSOE, du Parti Socialiste. Ah oui, c'est ça. Politiquement, oui, voilà. C'est un socialiste. Oui, voilà, c'est ça. Très physiquement, c'est une bombe. Sexuellement, c'est quoi? Je ne sais pas. Écoutez, c'est la journée de l'orgasme. Mais on a le droit quand même. Merde. Bon, zut. Oh, oui, alors écoutez, c'est pas gagné. Allez, on est avec bien, on salue Barbara Pompili qui nous écoute. C'est bon. Mais non, mais si on pouvait en avoir deux, trois comme ça ici, nous, on s'intéresserait peut-être encore un peu plus à la politique. Vous avez Geoffroy Didier. Bon, vous savez quoi? Moi, je préfère passer à Hippolyte Girardot. Ah, voilà. Oui. Je me disais, en fait, non, mais par rapport à l'Espagne, je me dis, ils ont été vaccinés quand même pendant 40 ans avec la droite et l'extrême droite de Franco, quoi. Qu'on le veuille ou non. Et donc, à un moment donné, c'est aussi normal que ce soit Podemos, oui, Ciudadanos, effectivement, qui plutôt que l'extrême droite. Blanc-Ali est en effet sous Franco, d'ailleurs. Elle est née, oui, ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il nous manque un petit peu l'extrême droite pour qu'après les jeunes puissent reprendre. <c'est vraiment. rire> Une bonne dictature pour remettre de l'ordre dans tout ça. Allez, c'est parti. Écoute bien. Vous êtes bien sur le répondeur du Père Noël. Roger de son prénom, laissez votre liste. Nous la traiterons dans les plus brefs délais. N'oubliez pas de laisser votre numéro confidentiel inscrit au dos de votre carte. Bonne journée, c'est à vous. Ouais, salut Roger, c'est la France. Écoute, je t'appelle pour ma liste. Je sais ce que tu vas me dire, c'est que est-ce que je les mérite ou pas? Franchement Roger, je sais pas les autres, mais moi, ça n'a pas été une année facile, hein, je t'explique. Déjà 2014, je t'avais dit que c'était pas top, mais c'était un gangbang d'école primaire à côté de 2015. Sérieux, le revival année de plomb sous Giscard avec Sivens, le retour de Sarko avec Big Malion, pot de banane à Copé, l'arrivée du catalan balai dans le cul à cause des municipales, le président en roue libre avec casque et sans dents, et vas-y que je t'envoie un texto pour rompre, je te dis, c'était vraiment du Walt Disney à côté de cette année. Parce que je te rappelle juste, en janvier, il y a des types qui faisaient le boulot le plus inoffensif du monde, dans leur coin, avec des crayons et du papier, qui sont fait exécuter par des types qui se baladent Kalachnikov au poing dans toute l'Europe. Oui, je sais, faut que je m'occupe de mes services de renseignement pour qu'ils partagent leurs infos, mais déjà qu'ils partagent même pas la photocopieuse, c'est pas rendu. Mais bon, c'était fort, non, quand j'ai fait manifester tout le monde dans les rues de Paris? Hein? Une vraie manif, française, super exotique pour les invités, et très typique, non? Il y avait même le petit Nicolas qui faisait le con dans la foule, il a mis de l'animation, mais avec lui on n'est jamais déçu, il a transformé ce truc sinistre en spectacle. Alors après j'ai joué en défense, hein, en gestionnaire, père de famille, genre j'ai ressorti les trucs oubliés mais qui rassurent. Chirac était pas libre, mais bon, Juppé, en jeune, presque fumeur de joint, c'était bien joué, non? J'ai viré un ancien ministre turbulent pour qu'il se calme, ça a marché, il a mis sa nana enceinte, et ce qui est pratique pour le gosse et pour la chambre du gosse, c'est qu'il travaille dans un garde-meuble. Je vais revenir maman à l'Elysée. J'ai bien vu que les gens adoraient ça. C'était so French, ce ménage à trois au château, so chic, so parisien. On a eu des articles dans le monde entier. Vive la France. J'ai demandé au club Beutron. Calme-toi. J'ai demandé. Non, parce que ça tourne, hein, le répondeur. Faut pas croire. Donc j'ai demandé au club Breton en pull bleu marine de rejouer Dallas. Ils y sont allés à fond. Et vas-y que je te déshérite et que je te foute un procès et que je te répudie. On aurait dû dire Chabrol. Là aussi, carton plein. Et moi, terre des arts et des idées et de l'exception culturelle. Je t'en ai mis une bonne couche. À Cannes, le festival international, bam, j'ai pris le film, l'acteur, l'actrice, j'ai tout raflé. J'ai joué un classique super français. Les intellos fascinés par la loge de maquillage. Eh ben, je les ai fait débattre de trucs à la con, genre hyper old fashion, tu vois, identité nationale, laïcité contre communautarisme, autoritarisme contre pétard fumé entre les cuisses de ma copine. Là aussi, big success. Je t'assure, formidable. J'ai même mis Jean d'Ormesson dans la Pléiade. Bon, ok, c'était une blague, j'ai poussé le bouchon un peu loin, mais bon, faut bien que je m'amuse de temps en temps. Hein. C'est comme téléphone, oui, à téléphone. Je l'ai reformé, mais sans la fille, qu'on n'imagine pas comme en 80 qu'il allait partouzer, tu vois. J'ai réussi, un gros truc, écoute bien, Roger, t'es toujours là. Écoute, j'ai réussi à fondre l'esprit bobo rebelle en sauce blanche, ouais, en rappelant à Bolloré que puisqu'il avait acheté le garage Canal+, il avait le droit de s'amuser avec les Playmobil à l'intérieur. Eh ben, il s'est amusé. Quand tu penses qu'il est le petit-fils du type qui fabriquait le papier OCB, dont tout Canal achetait le stock parisien à une époque, franchement, c'est réussi, non? Ah oui, puis j'ai même vendu mes avions invendables à des conducteurs de Lamborghini en robe de chambre. Je te jure, j'avais la main, Rocher, j'avais la main. C'était sur des rails, et puis coup sur coup, un train belge pris en otage, délivré par des Américains de retour d'Afghanistan. Franchement, ça la fout mal, excuse-moi. Et puis là, ce truc horrible, inconcevable, des mômes qui assassinent des autres mômes avec qui ils buvaient des verres ou jouaient au backgammon quelques années avant. Et juste après, les blondes, là, en plus marine, en grand retour, qu'on arrête de justesse juste avant qu'ils arrivent. Et je te parle même pas du grand pique-nique du Bourget où tout le monde a bien bouffé, a dit bravo au chef, mais pas un a payé l'addition. Et pas un la payera, ils l'ont dit. Encore un truc à la con. Franchement, Roger, sans déconner. 2015, non mais djihad, quoi. Et je t'ai dit que les gros trucs, hein, parce que... Bon, je t'ai dit que les gros trucs, je te jure. Je pense à la lettre que je t'avais écrite il y a deux siècles, en 1815. Ça te rappelle rien? Waterloo, ça te dit rien non plus? Oui, en Belgique, c'est ça. Enfin, c'était même pas la Belgique à cette époque. D'ailleurs, ça n'existait pas, la Belgique. Ouais, c'était mieux. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, ça a changé, t'as raison, ça existe, bien sûr. Enfin, Molenbeek, hein, surtout existe. Je te dis pas la lettre qu'elle va t'écrire à la Belgique. Je serais curieux de la lire, hein. Qu'elle vienne pas pleurnicher parce que moi, je lui en souhaite une d'année comme la mienne, hein. Et me les brise pas non plus avec la lettre de l'Allemagne, d'accord? Parce que Das Auto, moi, je pourrais en dire. Alors, franchement, je te donne ma liste, mais doucement les basses, et me chipote pas sur les prix, Roger. Alors, je vais te la chercher, ma liste, je vais te la chercher, je l'ai quelque part, oui. Votre temps de parole est arrivé à son terme. Nos services prendront bonne note de vos souhaits pour Noël dès que possible. Bonne journée. Merci, merci Pauline Girardot. On est en compagnie de Blanc Ali jusqu'à 18h. Écoutez Grand Corps Malade. Et tiens, si vous n'avez pas assez, ce soir, dans le nouveau rendez-vous de Laurent Goumard à 21h, soirée Grand Corps Malade et Oxmo Puccino. On a déjà eu les premiers mots, les premiers rires déclenchés, les premiers pas, les premières courses, les premiers genoux écorchés, les premières photos à quatre, les premières crises de cauchemar, les premières nuits pointillées, les premiers vices de couche tard. On a encore les mémories et les parties de domino, les jouets qui font trop de musique et les matins trop matinaux, les journées de taf raccourcies, l'ultimatum de 16h30 et les promenades au parc, tous les jours où ça leur tente. On continue de s'émerveiller devant un dessin de cosmonaute ou un bonhomme pâte à modeler avec un bras plus grand que l'autre. On continue de vouloir filmer tous ces moments insensés qui ne reviennent plus jamais dès lors que le film est lancé. On a eu les premiers hostos, les inquiétudes, les premières peurs, les premières grosses engueulades, les punitions à contre-cœur, les premiers cadeaux débiles avec leur nom sur leur tasse, les siestes d'un œil sur le canapé en regardant Pocahontas. Sans impatience, les premiers devoirs à la maison, les premiers stress de contrôle, les boules au ventre à l'horizon, les premiers mots dans le carnet pour les tarés quand ils s'amusent, les premières mauvaises notes pour les carrés de l'hypoténuse. On redoute un peu quand même le cartable de 20 kilos, cahier à spirale, intercalaire, trousse qui déborde de stylo. Et puis aura le premier portable, les premières booms, première soirée, les premières peines de cœur, premier encart un peu foiré. Ce sera un peu le moment de toutes les grandes premières fois, les premières cuites, les premières nuits qu'on ne nous racontera pas. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie on deviendra de plus en plus spectateur. Il y aura la première fois moins de 5 fautes au code de la route, qui leur permettra de s'éloigner encore plus vite, et puis sans doute suivra leur premier appart avec une Pocahontas bien élancée. Ils reviendront vite de leur chambre, ça j'ose même pas y penser. Pocahontas, Grand Corps Malade, et ce soir il est avec Oxmo Puccino dans le nouveau rendez-vous de Laurent Goumard, un concert en public en direct du studio 105 dès 21h. Et nous, en direct là sur France Inter, nous sommes en compagnie de Blanc Ali, que vous pouvez voir danser à partir de demain avec Maria Alexandrova, l'étoile du Bolchoï. Elles sont au Théâtre des Champs-Élysées, c'est à partir de demain et jusqu'au 3 janvier. Ça va Blanc Ali? Non, ça va pas. Ce soir, il y a répétition. Y a... Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, on répète des jours, la nuit, les jours, la nuit. Ah ouais, il y a encore temps d'annuler. Hein. Peut-être. Et vous restez quand même là, souriante et avec nous. Ça nous fait plaisir. Et en plus, vous êtes venu pour écouter Guillaume Meurice. Ah oui, ça va vous donner une patate. Ah ça, j'adore. Le moment Meurice, attention. Eh bien écoutez, aujourd'hui, chronique en immersion totale. Donc à Cogolin, charmante bourgade du département du Var. Célèbre pour ses pipes et son maire Front National. C'est cohérent hein, dans les deux cas, c'est un peu dur à avaler. Je parle de la fumée des pipes, hein, bien sûr, calmez-vous. Bien, Jean Roucasse n'est pas encore ministre de la Culture. Pour l'instant, le Front National n'est au pouvoir que dans quelques communes, dont Cogolin. Donc. Alors, qu'est-ce que c'est une ville gérée par le FN? Je suis allé à la rencontre des fervents supporters du maire, Marc-Étienne Lansade. Je les ai rencontrés, entre autres, à son QG, au fameux Café des Sports de Cogolin. Alors, comment vous dire? Je dirais c'est un peu le pôle d'activité spécialisé territoire, innovation et stratégie. Hein. On pourrait résumer donc sous l'acronyme PASTIS, hein, pour que ça soit toujours cohérent. Allons voir ses électeurs et électrices. Alors comment il est, monsieur le maire? Le maire, il est beau. Ah, vous aimez le maire parce qu'il est beau? Ouais. Et sinon? Sinon, j'en ai rien à carrer. Voilà, alors là, on a affaire à un vrai vote d'adhésion, hein, avec un argument indiscutable. Il est beau et sinon, rien à carrer. Fin de citation. J'imagine qu'elle vote pour les Miss France en fonction de leur programme de politique territoriale, hein, en bonne logique. Alors évidemment, le maire n'a pas été élu que pour des raisons superficielles comme ça. Il a été élu aussi sur des questions de fond. Oui, il est sympa, il est bien. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Il est jeune. Ouais. Voilà, et puis pareil. C'est tout, moi... Ah, c'est tout? Bah oui. Ça vous suffit? C'est un jeune, je pense qu'il a des bonnes idées, quoi, c'est fou, quoi. Qu'est-ce qu'il a comme bonne idée? Comme ça, je sais pas, exactement, je vais pas vous dire. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est difficile, hein. Il a tellement, tellement de bonnes idées. C'est comme si vous demandez à une fille quelles sont les qualités d'Alex Vizorek. Hein, la grande chance qu'elle vous gifle violemment et qu'elle parte en courant. Il y en a tellement. La question est vertigineuse. Bon, alors ce maire, il se contente pas d'avoir plein d'idées. Il est également, évidemment, très, très actif. C'est un autre de ses électeurs qui me l'a confirmé. Depuis qu'il est là, il a fait pas mal de choses, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Après une fois, genre, vraiment spécial, je ne sais pas encore, mais enfin, on voit, on surveille. Vous surveillez s'il va faire quelque chose de bien, peut-être un jour. Voilà. Pour l'instant, de toute façon, il fait pas plus mal que les autres. Hein. Voilà, exact. Dans la glandouille, il se défend, hein, Marc-Étienne, il n'est pas pire que les autres quand il s'agit de rien foutre. Alors bon, c'est très exagéré, hein, évidemment, vous me connaissez, il a fait des choses, je dois être honnête. Hein. Alors par exemple, première chose qu'il a faite en début de mandat, il a augmenté ses propres indemnités. Voilà, ça c'est concret, au moins. Qu'est-ce qu'il en pense, ce même électeur ? Ça, il faut voir les finances, ça c'est pas un truc, on n'est pas au courant. Ah, vous n'êtes pas au courant de ça ? Oui, non, c'est augmenté, mais il faut voir en proportion de l'argent des trucs. Parce que vous croyez que les autres, ils ne se touchent pas d'argent ? Alors oui, c'est vrai, les autres aussi. Mais bon, comme du coup le Front National se définit lui-même comme un parti anti-système, bah, on se disait, ça se trouve, ils ne sont pas tous aussi pourris les uns que les autres. Et puis bah, finalement, on dirait que si. Alors en même temps, Marc-Étienne Lansade, il a des frais. Hein, par exemple, il roule en Porsche, il faut le savoir. Alors, il s'agit certainement d'une Porsche anti-système, mais c'est une Porsche quand même. Et ça, ses électeurs lui pardonnent volontiers. C'est un chef d'entreprise, lui. Quand on voit Kouchner qui livre le riz en Porsche... Dans le désert, hein? Là, je m'excuse. Vous avez vu Kouchner livrer du riz en Porsche dans le désert? Vous l'avez pas vu à la télé? Il y a vous qui l'avez pas vu, alors. Ah, ben non, j'avais pas vu. J'avais vu Kouchner livrer du riz, ça, on l'a tous vu, mais j'avais pas vu la en Porsche. En costume Kenzo, peut-être. Ah oui, mais en Porsche, on l'avait pas vu. La Porsche était ensablée. Ouais, c'est ça, c'était hors cadre. Hein. Mais c'est vrai que du comptoir du Café des Sports, on a une meilleure vision du monde. Hein. C'est pour ça qu'on a souvent affaire à des vrais spécialistes de géopolitique internationale. Enfin, l'international du centre-ville de Cogolin, essentiellement. Notamment ce monsieur qui a observé quelques comportements suspects. Bon, je vais être honnête, les Arabes qui traînaient sur les bancs, tout ça, bon, on s'arrête dans la rue, les jeunes en voiture, ça discute, vous êtes derrière. Moi, j'ai rien contre eux. Ah ben, on a l'impression que vous avez quelque chose un peu contre eux, là. Non, parce que je peux vous montrer ma carte d'identité. Hein. Moi, je viens de Tunisie. Hein. C'est vrai ? Oui. Ah, mais vous êtes un Arabe aussi, alors ? Ah non. Je lui ai fait peur, du coup. Bon, je me permettais quand même de vérifier au cas où. Hein. Parce que je vous rappelle que le maire avait pris une autre décision forte au début de son mandat, interdire un spectacle de danse et de musique orientale. Hein. Bah, alors, on en pense qu'on en veut, mais c'était peut-être des gens radicalisés, finalement. Hein. Des fans de Faudel, par exemple. Un maire ne peut pas tout laisser passer comme ça. Donc, je lui aurais volontiers signalé la présence de cet individu suspect. Le maire est très facile d'accès, hein, faut le savoir. La preuve, j'ai rencontré un de ses amis. Ah, il est bien, lui, c'est mon copain. Ah, c'est votre copain ? Ah ouais, Marc-Étienne, oui. Pourquoi ? Ah, ça s'est fait d'une manière tout à fait inopinée. Comment ça s'est passé ? Eh ben, je l'ai rencontré ici, il voulait me balancer ses tracts du Front National et tout. J'ai dit, monsieur, moi, je suis apolitique. Elle dit, ah bon, pourquoi vous êtes déçu de la politique ? Je dis, non, moi je suis au-dessus des partis, parce que je m'appelle Le Pénis. Alors ça lui a plu énormément, et... très bon. Très bon, très très bon, excellent, je dirais même, Le Pénis au-dessus des partis, un double jeu de mots. Retrouvez-le en spectacle à la MJC Brice Hortefeux de Cogolin. Vous voyez, le Front National est définitivement le garant des traditions de notre beau pays. Hypocrisie, magouille, xénophobie bien sûr, mais également gauloiserie. Alors en bon français, je terminerai donc en rappelant qu'au pays des pipes, quand autant de gens votent pour un gland, ça fout un petit peu les boules. Guillaume Meurice, vous avez bien fait de venir Blancali, vous auriez perdu votre soirée sinon. Ah ouais, ça, ouais. C'est sûr. Allez, on reparle de danse tiens, et de télévision, pourquoi pas, c'est rare, parce qu'en dehors de la variétoche sur TF1, eh bien, Canal+ va consacrer un documentaire à la danse, en particulier à Benjamin Millepied, qui veut révolutionner l'opéra de Paris. Révolutionner l'opéra de Paris. Bon, mais c'est quoi la technique Benjamin Millepied ? Allez ! Exercice tous ! 1, 2, 1, 2, 1 Muscle, les muscles. Laissez-moi vous montrer ma technique d'entraînement spéciale. Les muscles. On reprend. Sans souffle. Oui, Eric. Prêt ? On descend doucement. On est une grosse pieuvre et l'on descend dans la mer. On tend ses muscles. Expulsion. Vous sentez les mauvaises toxines qui s'échappent ? Oui, oui. On reprend son souffle. Fontant. Benoît Poulvord dans Monsieur Manhattan, les muscles, bon, il n'y a pas que ça. Alors, Benjamin Millepied, c'est le directeur de la danse à l'Opéra de Paris. C'est aussi une star. Le mari de Nathalie Portman. Exactement, voilà. Donc il y a cette aura-là qui fait qu'on s'intéresse plus particulièrement à lui. Mais ça fait qu'il y a un documentaire sur le ballet, du coup, à la télévision sur Canal+. Il veut faire la révolution. Il demande par exemple aux danseurs de se détendre. Il dit que parfois à l'Opéra de Paris, on s'ennuie, veut bousculer les choses. Est-ce que il y a rien de très neuf finalement à chaque fois tout le monde veut bousculer l'Opéra de Paris ou il faut vraiment le faire? Je vous pose la question, vous avez travaillé notamment en 99 ou en 2001 avec l'Opéra de Paris, notamment pour les Indes galantes ou Scheherazade. Et je trouve que l'Opéra de Paris est une des opéras les plus modernes au monde. C'est une opéra qui est fait tout, qui est fait et a fait tous les chorégraphes contemporains depuis des années et des années. Donc, quand on voit d'autres opéras et d'autres compagnies de ballet à ce niveau-là dans le monde, on peut dire que l'Opéra de Paris est beaucoup plus moderne et beaucoup déjà plus révolutionnée. Que le Bolshoï, par exemple. Mais oui, beaucoup plus. Et ils ont eu vraiment des chorégraphes très, très, très contemporains avec des pièces qu'on ne voit jamais dans une opéra et avec un ballet d'opéra. Donc, je pense que c'est une compagnie extraordinaire qui a des danseurs incroyables qui peut tout faire, qui ont l'habitude de travailler avec plein de chorégraphes. Donc, après, à l'intérieur de ça, je ne sais pas exactement. Peut-être que dans la cuisine interne, il y a des choses. Et la preuve qu'ils sont très modernes, c'est qu'ils ont fait appel à vous, Blancali, et ça, quand même, c'est une preuve de modernité. Non, mais quand même, il met une jeune danseuse noire. Oui, effectivement, ça fait partie des... Ce qui n'est pas extrêmement courant sur les parquets de danse de l'opéra. Effectivement, oui, oui, ça fait partie de ces projets, parce qu'il paraît que la danseuse noire attirait trop l'attention. je ne pense pas que c'est ça, parce c'est que... C'est ce que j'ai dit. C'est juste que, bon, il y a eu beaucoup de... pendant beaucoup de temps, la danse était vraiment quelque chose d'un certain niveau aussi, la danse classique surtout. Mm-hmm. Donc je pense que, par exemple, depuis que je suis en France, je trouve que la danse, ça, en général, pas que la danse classique, mais même la danse contemporaine, ça a énormément ouvert à tous les milieux. Et moi, par exemple, j'ai tous les danseurs qui travaillent avec moi, qui étaient des danseurs de hip-hop, qui pour eux, la danse contemporaine, la danse classique, c'était quelque chose qui ne les intéressait pas. Aujourd'hui, c'est des danseurs qui étudient la danse contemporaine, qui étudient la danse classique. Donc il y a de plus en plus... des danseurs de tout et des mélanges et tout ça, donc c'est plus facile aussi d'avoir des compagnies qui sont mixes. Mais quelle bonne nouvelle! On a bien fait d'aborder le sujet. C'est voilà. Génial. Et Juliette Arnault, bonne nouvelle aussi, c'est que c'est l'heure de votre chronique. Oui! On est tout ouïe. Alors, peut-on raconter un pays par le prisme d'un fait divers spectaculaire? Non. Ainsi, la Belgique n'est pas le pays de Dutroux, et la France n'est pas que celui de l'affaire Dutroux. Et l'Espagne n'est pas que le pays d'Enric Marco. Quoique. Alors, qui est Enric Marco, personnage principal et bien réel du livre L'imposteur de Javier Cercas? C'est un type qui a réussi à faire croire à toute l'Espagne post-Franco, avide de héros, de grands récits nobles après toutes ces années grises, fascistes, sans gloire, avide d'une histoire plus jolie, moins crade, qu'il était celui-là. Qu'il était un homme avec un grand H, qui aurait été à la fois combattant antifranquiste depuis son adolescence, symbole de l'anarcho-syndicalisme, et puis carrément président de l'amicale de Mauthausen en tant qu'ancien déporté et survivant des camps de la mort. Et comment il a réussi à 50 ans passés, le gars, hein? Parce que le mec, je cite Javier Cercas, est un remarquable roublard, un sacré charlatan, un embobineur hors pair, un fabulateur exceptionnel et un comédien prodigieux. Et puis bim ! En 2005, le travail rigoureux et obstiné d'un jeune historien détruit le château de cartes, l'imposture d'Enric Marco est dévoilée. Il n'a pas été plus résistant que déporté, juste un homme banal, sans grand destin. Alors là, c'est un choc terrible. En Espagne, Enric Marco avait fait des milliers d'interviews, il avait donné des conférences de partout, y compris dans des lycées. C'était le témoin le meilleur pour les médias l'adoraient. Las, le gars n'est qu'un affabulateur. Alors quand mon grand-père, après une chute de vélo et une pelletée d'ecchymose, me racontait qu'il s'était battu avec des loups, ce qui me conduisait quelques jours plus tard à affirmer à mon instinct que si les loups, il y en a en France, même qu'ils attaquent régulièrement mon pépé. Bon, sur ce, punition, convocation et mortification de mes parents. Donc pendant que mon grand-père, il me racontait ça, Enric Marco, lui, il a mystifié un pays entier et la mémoire la plus sacrée, puisque celle des millions de morts de l'Holocauste. Mais c'est qu'il l'a raconté si bien, cette histoire-là, il savait si bien parler aux foules. Alors là, bien sûr, c'est la révolte nationale contre le joueur de flûte. On le crame aussi volontiers qu'on l'a mis au pinacle. Et c'est là qu'intervient donc le romancier, Javier Cercas, qui va passer des tonnes d'heures à interviewer à son tour Enric Marco. Il va essayer d'épioter les mensonges du faux héros, détricoter le savant mélange de vrai et de faux dans le récit de l'imposteur. Bah oui, parce que sans un peu de vérité, le mensonge n'y tient pas. Évidemment, la lassitude le gagne, parfois. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Et sans complaisance, il veut comprendre. Comprendre, c'est-à-dire ni brûler, ni admirer, mais s'acharner à comprendre Enric Marco et ce qu'il raconte de l'Espagne moderne. Ainsi, c'est un vrai risque pour le romancier d'y laisser quelques plumes à lui. Et ainsi, il invente un monologue que lui tient Enric Marco, que je vous lis parce que je le trouve fantastique. Il imagine qu'Enric Marco lui dit « Vous aimeriez être comme moi, ignorer le sentiment de culpabilité et être immortel, ou plutôt amoral. Pouvoir se réinventer à 50 et quelques années, changer de vie et de nom et de ville et de femme et de famille et être un autre, être capable de vivre les romans et de ne pas avoir à se contenter de les écrire, se libérer de toute cette morale petite bourgeoise merdique qui vous fait vous sentir coupable de tout et vous oblige à respecter ces misérables vertus petite bourgeoise, être fidèle à la vérité et à la décence et à je ne sais quoi d'autre quand ce que vous souhaiteriez en réalité, c'est être comme moi, un héros nietzschéen comme moi, un type qui sait qu'il n'y a aucune valeur supérieure à la vie, ni la vérité, ni la décence, ni rien de rien. Bref. Bim. Je me résume. Madame Bovary, c'est Flaubert. Enric Marco, c'est Javier Cercas. C'est toute l'Espagne. Et c'est nous aussi qui savons bien, au fond de nous, que la fiction sauve et la réalité tue. Ah oui, au fait, rien à voir, mais si quand même, il y a une nouvelle étoile qui vient d'être nommée Quichotte. Il aurait été content qu'il chante. Javier Cercas et Enric Marco aussi. Merci Juliette Arnaud. Vous rappelez les références complètes oui. du livre ? Alors, l'auteur c'est Javier Cercas, le bouquin s'appelle L'Imposteur et c'est chez Actes Sud. Et franchement, ça pèse son poids, ne l'achetez pas pour Noël si vous avez à faire des kilomètres. Vous le connaissiez ? Il est très... C'est quelqu'un de très connu en... Non, je ne le connais pas beaucoup, vraiment, non, je n'ai ouais, jamais lu. C'est une découverte. Vous avez gagné un livre alors. Je suis très très contente de les connaître. Allez, on passe avec Blancali au troisième sujet. Niveau diplôme, les 31 candidates Miss France sont au-dessus de la moyenne de leur génération. La gagnante Miss Pas-de-Calais est en cinquième année de chirurgie dentaire. Elle se présente à Miss France et elle gagne. Ça change considérablement la teneur. Il y avait un jugement dans votre... Non. Il y a beaucoup d'aigreur. Juste... Non, mais il y a juste que ça change considérablement la teneur des conversations en coulisses. En fait, je considère que l'exégèse onomastique se trouve en but au rédhibitoire herméneutique, tu vois. Christina rétorque. Ah oui, mais alors attention, Pamela, tu glisses doucement vers une paronomase ontologique, là. Elle se penche sur l'équation. Si on prend comme hypothèse que la racine cubique de x varie en fonction de l'infini... Ah, d'accord, tu n'as plus qu'à subdiviser l'ensemble qui tendra vers l'asymptote. C'est bon, j'ai compris. Un extrait du film 99 francs. Alors, cette Iris Mitten... Alors, comment ça... Genre, je ne sais pas comment on dit. Mitenare... Iris, représentante du Nord-Pas-de-Calais qui a gagné. Elle est en cinquième année de chirurgie dentaire. Et c'est d'ailleurs la candidate qui a remporté le meilleur score au test de culture générale. Tout ça pour faire les foires au boudin pendant un an. Est-ce que ça n'est pas un choix un peu régressif? Et surtout, elle aura tout oublié dans un an. Je ne sais pas. Donc, elle est en cinquième année de chirurgie dentaire et elle va faire une pause d'un an pour faire les foires au boudin parce qu'elle est Miss France. Vous comprenez, vous Blancali, aidez-moi. Moi, je suis perdue. Bah, elle s'y connaîtra en boudin et en dentition, voilà. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut juger un corps par rapport à un autre? Je vous pose la question. Vous, alors, j'ai lu que la gymnastique vous a sculpté un corps particulier. À 16 ans, vous faisiez 35 kilos. Et il y a des critiques qui comparent votre physique à celui d'un jeune torero. Il y a un stéréotype de la danseuse contemporaine? Non. Je pense que la danse contemporaine, c'est ça qui est aussi bien. C'est qu'on peut être grand, petit, gros, fin, blond, chauve. Mais on ne va pas se mentir. Un gros, c'est quand même difficile. Ou alors vous avez besoin des personnages. Non, j'ai vu des danseurs extraordinaires qui étaient gros. Vraiment, il y en a. Hein. Et c'est, ça ne veut rien dire. Je pense qu'une fois qu'on a la passion de la danse et qu'on a envie de le faire, et c'est ça qui est bien. Il y a la place pour tout. Il y en avait un de 63 kilos au moins, enfin, qu'on appelait le gros. Voilà. Mais la gymnastique vous a sculpté un corps particulier. Et oui, parce que j'ai commencé très jeune, j'avais 12 ans quand j'étais dans l'équipe nationale et on travaillait 8 heures par jour, c'était ouais. très comme le Bolshoï y avait. Et oui, effectivement. Et d'ailleurs, vous dansez avec Maria Alexandrova, étoile du Bolshoï. Quelle chance, puisque elle était trop grande pour participer au traditionnel ballet de fin d'année à Moscou, Casse-Noisette. Et donc, elle est un peu grassouillette d'ailleurs. Vous Écoutez, vous irez la voir à partir de demain et vous allez constater que c'est pas du tout le cas. Blancali, puisque on vous arsouille depuis le début de cette émission, on a une proposition indécente à vous faire. Et bien en fin d'émission, on propose à l'invité de participer à un sketch avec nous. Donc voici le texte. D'accord. Si vous acceptez, vous avez le rôle d'une militante Podemos qui est en débat télévisé avec Jean-Luc Mélenchon parce que la chaîne, la journaliste Charline Vanhoenacker a décidé de confronter les ambiances de gauche, d'une part en France, d'autre part en Espagne. On y va tout de suite sur le plateau. Bonjour à tous, bienvenue dans ce débat. À ma gauche, madame... Bah, attendez, pourquoi je suis pas à gauche? On viendra à vous, monsieur Mélenchon. À ma gauche, Blanca. Si, buenas tardes. Ah, elle parle pas bien français, vous êtes syndicaliste? Non, elle est militante Podemos. Et à ma droite, Jean-Luc Mélenchon. Appelez-moi camarade Jean-Luc. Oui, monsieur Mélenchon, vous savez pourquoi on vous a invité? Non. Ah bon, mais... Moi, on m'a appelé, on m'a dit que c'était une grosse émission de radio, je suis venu. Non, monsieur Mélenchon, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Espagne, il s'est passé une chose qui n'arrive plus en France depuis longtemps. Le chômage a baissé? Non. Kev Adams, ça fait un bon film? Mais non. Ah bon? En français, a gagné Roland Garros. Mais non, mais vous le faites exprès ou quoi, enfin? La gauche alternative a réalisé une percée historique aux élections législatives, voilà. Mais c'est pour ça qu'on est là? Bah oui, mais monsieur Jean-Luc Mélenchon est pas au courant, alors vous connaissez Pablo Iglesias? Bien sûr, c'est un ami. Ah, il est beau, hein, pour une fois qu'une Iglesias plaît au moins des 60 ans. 25% des voix, hein. Alors que chez nous, tout parti confondu, l'extrême gauche a fait environ 5% aux dernières régionales. Est-ce que ça vous impressionne ce score, monsieur Mélenchon? Vous savez, mademoiselle Vanhoenacker, je crois que c'est Bergson qui disait « Il n'y a d'impressionnés que les impressionnables ». Podemos a certes réalisé un score honorable, mais on a déjà vu s'effondrer des colosses au pied d'argile. Oui, alors vous aurez imaginé plus heureux, monsieur Mélenchon. Mais je suis content, hein. Et pas comme je suis content, je suis très content. Oui, voilà. Ça vous inspire quoi, Blanca? Que Messier a pris ses petites pilules. Mais j'ai pris mes pilules, je les ai prises ces pilules. Mais heureusement, je crois que la gauche française a un problème de positionnement. Elle parle pas bien français, écoutez, quelle position? Pourquoi elle parle de position? Je lui parle de ses positions à elle. Monsieur Mélenchon, calmez-vous. Je suis très calme, d'accord? Très calme. Il est nécessaire d'être une face à une politique libérale. Oui, mais je suis uni, bon, pas avec Cécile Duflot, mais je suis uni. Oui. Pas avec les frondeurs du PS, mais sinon je suis uni. Oui. Pas avec les communistes, mais je suis uni. Je serais uni, moi. Voilà. Vous savez d'où oublier les pilules. Oh, elle va se calmer, la perruche espagnole, hein. L'autre, ça y est, elle a fait 20% là. Elle veut ouvrir Sciences Po Madrid, c'est ça? Qu'elle essaye de faire 7% avec les boulets qu'on se tape en France, hein. On en reparlera. Monsieur Mélenchon, oui. Vous pensez qu'il est difficile d'avoir l'équivalent de Podemos en France? Difficile? Mais essayez donc, mademoiselle Vanhoenacker, de créer de l'unité avec une bande de cocos qui se pignolent devant des posters de Lénine. Oh, il est bon, Lénine. Ouais, et des altermondialistes qui portent des slips en chanvre. Et des bobos qui font du vélib en tongs et des syndicats qui rôdent des merguez et qui font grève. À ce point-là, la gauche alternative en France, c'est pas un parti, c'est une brocante. Bon, eh bien, merci monsieur Mélenchon. Blanca, bon courage à vous avec Podemos, hein. Non, Charline, après, c'est que je viens d'entendre, bon courage à vous. Mais je suis courageux, la gauche française est courage. Attendez, j'ai fait tomber quelque chose. C'est quoi, hein? Oh, c'est mes petites pilules. Ah ouais, je les avais pas prises, en fait. Merci Blancali, vous étiez formidable. Vous êtes de gauche. Avant l'émission, là, vous êtes de gauche. Oui, on ne le fait jamais. Vous étiez parfaite. Et vous serez encore plus parfaite, on s'en doute, demain au Théâtre des Champs-Élysées, du 22 décembre, donc à partir de demain jusqu'au 3 janvier, avec Maria Alexandrova, l'étoile du Bolshoï, c'est déesse et démon. Merci beaucoup Blancali. Merci à vous. On laisse le mot de la fin à votre bras droit qui fait répéter les danseuses. Allez! Exercice tous, 1, 2, 1, 2, 1, muscles, les muscles. Laissez-moi vous montrer ma technique d'entraînement spéciale, les muscles.